crise de vie. Wouh! Jean-Philippe? J'aime ça, moi. On est prêt? Oui, c'est pardon. Prêt? Bois les boileaux. Vous avez un problème, nous avons un 150e podcast! Wouh! What the fuck? Yes! Bravo! Les noces de poils! Alors, bonjour et bienvenue à la balado diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézina. Hey! Hey! 150, mon frère. Yeah! 150 plus le pilote plus le spécial du centième. Jean-Philippe Durand. Yeah! Wouh! Bravo Fred, bravo Antoine. Bravo à toi. Oui. C'est toutes les bravos que je vais dire ce soir. Oui. Bravo. Pauvre Mathieu Bouillon. Salut Mathieu. 150 fois mes excuses. Ben non, t'en as manqué 4. Alors. Mais à culpette. Bon, c'est magnifique. On perd du monde. On perd. Il y a des gens qui ont réussi à sortir par la fenêtre. Mais à clown pas. Non, non, là, c'est trop. Oui. Hey, ça fait 150 podcasts et il y en a peut-être encore qui arrivent et qui découvrent notre balado. Imagine. Sauvez-vous immédiatement. Oui. Antoine, peux-tu me dire? C'est quoi, pas de problème? Mais avec plaisir, Frédéric. C'est un groupe de 4 amis bien balancés. Oh non. Oh. Merci, qui tente par tous les moyens de vous aider à régler vos problèmes que vous nous suggérez, soit via notre page Facebook ou encore par notre adresse courriel que je connais pas. Pas de problème, arrobas@gmail.com. Lors de nos enregistrements directs, exact. Sur la rue, arrêtez-moi. Dites-moi, salut Antoine, j'ai un problème. Et, j'ai un problème, Antoine. Antoine. Attends l'enregistrement. Je sais, ça saigne beaucoup. Attends l'enregistrement. Comment arranger ça? Antoine. Et ben voilà, on tente de trouver des solutions farfelues et parfois réalistes. Je pense à l'épisode 22, par exemple. C'était quoi donc? Je sais pas, mais c'était la fois qu'on a eu quelque chose qui se pouvait. Ah, oh, c'était la folle qui travaillait au Le Rouet. Ah, quel... Tu veux dire, comment désengorger les urgences? Y a-t-il ça? Oui! Non, je pense pas, c'est drôle. Hein? Ah, hey, ben c'est ça, on a des problèmes et on offre des solutions. Donc, et pour notre 150e, ça sera pas différent. On va offrir des solutions. Mathieu va faire des jeux de mots. Oui, peut-être. Douteux. Mais à cool plot. Oh. Incroyable. C'est dégueulasse. Il est en train de fourrer le latin après le requin. Oui, OK. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Messieurs, s'il vous plaît, rigueur. Oui. Je sais que c'est le temps des fêtes qui approche. Exact. Oh. Que tout le monde capote pour acheter des cadeaux en ce moment. Le temps des fenêtres est arrivé. Le temps des fenêtres! Ça, non, mais ça, on le fête le 18 décembre. Noël. D'ailleurs, ça, c'est un problème à moi qu'on pourra peut-être aborder un jour, mais je trouve que, ben tout le monde le dit, là, je suis pas le premier, que Noël arrive trop vite là, dans nos vies. J'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça. T'es vraiment le premier. Dès que l'Halloween est terminé, c'est déjà... Bon, ben bref, il faudrait peut-être trouver la fête. Pas de problème, devrait peut-être trouver la fête... À placer entre l'Halloween et Noël qui va nous empêcher. Le jour du souvenir dans le Canada anglais, non? Qui est une non, fête, une vraie fête. Le Jamboree d'automne? Le grand Jamboree d'automne? Peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Belle idée. On met quelque chose, là, quelque chose le 10 décembre, genre. Le Movember? Non, en décembre. OK, bon, on en parlera une autre fois. Cette semaine, le problème nous vient de... De quelqu'un du public, encore une fois. Merci oui, pour merci. Vos problèmes. C'est une fille qui s'appelle Émilie. Elle est partie, je pense. Elle est partie! Qui nous écrit... Comment dire non à toutes les causes qui nous sollicitent pour le temps des fêtes sans culpabiliser pour pardonnez-moi, les vieux, les enfants malades et les pauvres? Ouch! Voilà, comment... C'est ça, exactement. Comment dire non sans culpabiliser? Aïe, aïe. Non! Je vous offre une chanson. Pourquoi on fait ça dans un bar? C'est sûr que Mathieu va être chaud d'ail. Je suis sûr chaud d'ail, il va parler de la vie. Ouais. Mais quand même, on se fait beaucoup, beaucoup... On enregistre ça le matin pour pas que tu sois chaud d'ail, Mathieu. On se fait quand même beaucoup solliciter pendant le temps des fêtes sur, pour plein de causes. Et pas juste pendant le temps des fêtes, mais c'est quand même concentré. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez une seconde. Fred et Antoine, c'est sûr que vous avez été sollicité pour la guignolée des médias. Non. Non? La guignolée... il y a quelques années, on faisait des lutins. Antoine? Oui, la belle époque. À la guignolée? Oui. On avait fait ça, on avait des soutes de lutin par-dessus nos manteaux d'hiver. C'était chic. Ben voyons donc. De bon donc. Goût. Ouais. C'était absurde. Mais c'est la base même de la fête des neiges, là, ce genre de costume-là. Il faisait tellement froid. C'était dégueulasse. Oui. On est sollicité, certainement. Mm-hmm. Oui. Mais quoi, à guignoler? Il y en a plein, il y a cette petite mode-là là, de jeunes gens en santé là, qui t'accrochent par « Salut, ça va bien? » Salut, ça va bien? Oui, ouais, c'est fou au centre-ville. Il y en a beaucoup ici à Montréal. Beaucoup. Je comprends que vous nous écoutez probablement outre-mer. Mais on a ça, cette nouvelle approche là, de jeunes gens sympathiques convivial. Qui choisissent un peu. Hein. Tu fais ça, toi? Non. c'est ça. Un ton sympathique. Il m'énerve encore plus. Un silence. On est solide cité, là. T'sais. Dans le sens que c'est ça, je disais, douteux. C'est constant. C'est beau, hein. Mais fourni c'est quoi, par mais... Loco-Locas. Oui, voilà. Ce que t'as dit. Mais notamment les causes, là. Parlons-en. Là. Non, c'est ça, j'essaie de dénumérer, là, toutes les causes qui nous. On a les. La guignolée, c'est clair, là, de toutes les sortes. On a... L'armée du salut. Ouais, l'accueil exact. Bono. L'accueil Bono. Ouais. Les paniers, quand même, en épicerie aussi. Ouais. Noël dans la rue. Non, mais ça, il essaie de pas Noël dans ça, la mais, rue. Dan et sa gang. Les petits exact. Frères des pauvres. Ouais, mais on sait ça. Ah, la Fondation Marie-Vincent. Le disque de Noël de Star Academy. Oui. Mm-hmm. Ouais, pour leur venir en aide. Exact. Frédéric le Grand Pré. Hey, se faire croire qu'il est jazz, lui. Il est dyslexique. Aussi ça? Jazz que l'autre, là, que j'aime pas trop, là. L'affaire de Lola, là, c'est quoi son nom? Bleeding Gums Murphy? Ouais, Lola. Lui! Alan Théo? On va le trouver, ce que je sais. Théo! C'est l'affaire de Lola. Florence K. Ah, la fille de Nathalie Choquette. La fille de Nathalie Choquette? Ouais. Ouais. Elle, là. Mais, ouais. Moi, je donnerais 2 pièces. Pour ne pas culpabiliser, il faut réaliser que malheureusement, la plupart de ces œuvres-là, caritatives, ont de très mauvais pourcentages d'argent qui se rendent jusqu'aux gens qui en ont besoin. Ça, c'est ça qui est terrible. Ben écoute, là, des bonnes sociétés caritatives, je ne sais pas si on peut parler de sociétés caritatives en même temps, vont redonner jusqu'à 75% de leur argent. Les bonnes. Donc là, c'est en partant, c'est un quart. L'argent qui se rend pas. En as-tu des exemples de bonnes? Pas sur moi. Pas sur toi. Non, c'est la ça. Connexion Internet ici est plutôt lente. Okay. Ah non, mais... on salue. Ben non, merci mais au passage de nous recevoir. Oui, c'est il sans fil, semaines. C'est génial. Non, mais mettons Vision Mondiale, là. À TV, là, il nous le montre, le diagramme, là. C'est pas tout qui va dans les poches à Alain Zouvi puis à Sylvie Legault, là. Non, non. Ben écoute, mais là, je les connais pas. Mais mettons quand ben, TV, beaucoup, là. Il y en a beaucoup. C'est pas tout, là, qui va... L'instant gagnant. L'instant gagnant qui va à grosse, là. Hey, grosse parle machine. Parle pas de notre public cible. Attends, déjà... Mais frère, déjà, d'engager ces gens-là à l'instant gagnant, c'est une forme de charité. Ah, ouais. Non? Ouais. Ouais, c'est sûr, là. OK, donc... C'est une façon de se déculpabiliser que de penser que l'argent que tu donnes, en grande partie, va aller ailleurs qu'aux gens que tu veux aider. Alors, tu dis non, c'est pas comme ça que je veux le faire. Mm-hmm. Voilà. Donc, faire du bénévolat, mettons, pourrait être une bonne idée à Noël. Faire tu dis, je ne donnerai à aucune cause, mais le 31, je le pense à ma mort aussi, ça t'engage moins pendant ce temps-là, tu sais. Moi, je vais faire fructifier l'argent, j'aurai un empire. Ouais. Ouais. Et il y aura une clause. Vous donnerez 20% de ma fortune et de mes dettes aux pauvres. Ouais, c'est ça. Ben là, si ça vire mal, ça vire mal. Je comprends. Mais les pauvres font « Ah, des dettes! Yes! » Yes! Ah. Enfin, quelque chose à se mettre sous la dent. Mais tu sais, mais donner de l'argent aux pauvres, n'est-ce pas un peu comme donner son fixe à un toxicomane? Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, là... Vous pensez pas que C'est entretenir le cercle vicieux de sa dépendance. Tu sais que sur le plateau Montréal, tu peux être pendu pour dire quelque chose comme ça. Non, Mathieu, faut que tu lui apprennes à pêcher son poisson, c'est ça que tu veux dire? Oui! Pas lui donner son poisson. Non, non, apprends-lui à pêcher. Surtout si c'est pour des médicaments, des affaires de même. Wesh! Non, mais apprends-lui à faire ses médicaments. Hey, au nombre de laboratoires illégaux qu'il y a dans Hochelaga Maisonneuve. Qui arrête de fabriquer du cristal meth, qui fabrique de la pénicilline. Oui. Une petite jument dans le sous-sol. Une jument? Ben, pour ben oui, pour la pénicilline. Ah oui, pour vrai? Ben, Une jument dans le sous-sol. Fait que ça vient pas de... Non, je le dirais pas. Non, Mathieu, franchement. C'est une jument docteur dans Hochelaga. Elle s'appelle Lynn. Puis elle a un... Regarde, tu l'as fait, ma maudite joke plate. Et le requin a été fourré. Avec des œufs. Avant Noël. Ouais. Avec une grosse canne de Noël. Ouais. Ok, mais sérieux, gang. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis on nous appelle aussi au téléphone. On avait déjà parlé de des gens qui nous sollicitent au téléphone. Il y a un vieux problème de ça, mais ça, on nous appelle quand même aussi pendant le temps des fêtes. Il y a aussi les fameuses lettres avec le 5 cents dedans. Tu fais... Ah, pourquoi tu m'envoies 5 cents? Ça vient de te coûter 5 cents. Et puis, ils se donnent ça aux pauvres! Exactement. Alors qu'on dirait un monologue de Jean-Louis. Oui, t'es rendu Jean-François Mercier. Oui. Ah oui, c'est vrai. Plus aigu, plus aigu. Tu viens de nous donner 5 cents! Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Non, non, mais sans farce. Non, mais il y a beaucoup de sollicitations aussi par la poste. Par la poste, énormément. On sent moins cheap. Mais tu sais, tu te sens cheap des fois d'utiliser le petit tag là, avec ton nom et ton adresse pour, sur une enveloppe. Mais c'est plus en plus rare, ça. Il y en a de moins en moins. Ah, moi, j'en reçois encore. Là, il y en a. Le cancer, sont forts. Là. Moi, j'ai donné une fois. Là, ils me lâchent pas. Ah, t'avais pas donné ton char? Très heureux. J'ai donné mon char pour le rein. Voyons donc. Toi. Ouais, mais récupérer les vieilles voitures. Et c'est ça aussi, là, c'est peut-être d'obliger les. Non, mais qui trouvent des moyens originaux. Fait que c'est quoi? C'est un rein qui a été un livre ou c'est quoi? L'idée, quand moi j'avais une vieille voiture, au lieu de la mettre à la scrap, eux ils disent parfait, on vient te la chercher, on te fait un don de charité de 100$ pour dire quelque chose. Ils partent avec, puis eux ils récupèrent tout ce qu'il y a dessus, puis ils essaient de le revendre, puis de faire de l'argent avec ça. Okay. Ils te rendent service. Alors moi je me sens pas mal de donner mon vieux char, qui est du trouble pour moi de m'en débarrasser. Fait que c'est eux qui ont pris tes vieilles cassettes d'impro enregistrées que t'écoutais dans l'auto. Ça, puis mes canettes de Pepsi avec des botches de cigarettes. Pour les reins. Il y avait de mes botches là-dedans. Donc, OK. Il y a une dialyse qui a été faite avec ça. Là. Oui. Ben oui, j'ai sauvé quelqu'un. Je suis désolé. Pas de ma faute. Bravo. Non, mais j'ai pas de joke avec sauver quelqu'un. Dans la rue, là, dans la rue, les gens qui nous sollicitent ont souvent des pads avec des feuilles pour prendre des notes. Oui. T'as promené toi-même avec ton pad. Ah, très fort. Pour faire... Non, non, c'est beau. J'ai de la cause. Je suis avec vous autres. Je travaille déjà. Toi, t'as-tu donné... Non, on t'en parle plus tard. Non? Très fort. Oui. Chacun son pad. Dans le centre-ville, tout le monde a un pad. Ouais, des pads. Puis une petite tuque de Père Noël. Ça, c'est souvent ça, ensemble. Ouais, ouais. Regarde, c'est une tuque en pomme, là, quelque chose un peu gypsy. J'ai une amie, c'était terrible ce qui était arrivé. C'était justement quelqu'un avec un pad pour une espèce de vision mondiale ou UNICEF ou je sais pas. Pourquoi tu pointes? Non, parce que tu connais cette fille-là. Oui. Fait que la fille s'est comme fait harceler puis elle disait, tu sais, je sais pas trop c'est quoi l'histoire, mais ça finit quand il montre la photo d'une jeune enfant africaine en lui disant « Elle est morte à matin ». C'est tellement dégueulasse! Elle a pas donné non plus, mon ami, là. Ah non? Ben oui, elle est déjà morte, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu veux pas y donner plus? Et... Ah, c'est ça. Ouais. Ben voyons donc! Elle est morte un matin. Excusez. Antoine est outré. J'aurais aimé bien compter l'histoire. Qu'est-ce que veux que tu fasses? Que t'achètes la photo? T'sais? Oui, genre, tu sais. T'as connais-tu? Elle est morte un matin. Aïe. Bon, comment dire non? C'était Linda Marlowe. Mais tu sais, c'est parce que je pense que le problème là-dedans, c'est de se faire solliciter beaucoup. Parce que le but, je pense que tout le monde est ouvert à aider son prochain, donner d'ailleurs notre concours, hein? Comment changer le monde avec le moins d'efforts possible, tire à sa fin, là. Oui. Reste une semaine. Ou pour un effort de charité encore plus grand, faire un t-shirt pour Antoine. Oui, mais ça, vous avez jusqu'au 14 mars. Ouais. Mais des fois, c'est de faire un coup d'éclat, hein? De faire quelque chose, organiser un événement, faire, regarde, j'aimerais bien te donner, mais j'ai déjà fait mon effort. On se sent moins coupable à ouais. ce moment-là. Oui, ben, c'est ça, mais pour ne pas donner, si t'aides autour de toi, les moyens de trouver quelqu'un dans le besoin. Mais ça, c'est un peu c'est la gimmick à Dan Bigra. Celui dit « Non, non, je fais le show du refuge, je garde. Je cale l'usse du faux. Je fais le show du refuge. Achante, tu me fais du bien. » Fait que... Mais parce que le problème, c'est pas ne pas donner. C'est dire non aux gens qui me sollicitent. Tu sais, peut-être que tu veux... Ben, moi, j'aime ça donner, mais j'aime ça me faire... Ben, j'aime ça. Je donne déjà pour certaines causes, mais j'aime ça me faire solliciter parce que... Oui, c'est ça, tout ça, je pense, le problème. Ça devient lourd, tu sais. Tu fais, ben là, prenez chacun votre tour, là. Parce que donner, ça peut avoir du bon quand même, surtout de point de vue fiscal, où c'est intéressant, là, il y a quand même des... c'est bon pour les personnes qui le reçoivent aussi, là, mais ça peut faire baisser ton braquette d'impôt, là, parce que c'est entièrement déductible, donc... Et faire baisser une braquette, moi, n'importe quand. Ouais, mais c'est ça, mais en parlant du rôle de top... Ce qu'il faut pas oublier qu'on est très... La braguette d'un pro, là, d'un acteur porno. C'est vraiment ça que je disais, t'as compris la même chose. Il y a des gens qui se convainquent de ne pas donner parce qu'on est dans les endroits les plus imposés au monde. Oui. Et où tu supposes que indirectement tu donnes parce qu'on a un filet social solide où tu fais, ben, c'est l'État qui devrait s'occuper de ça. C'est même, il y a d'autres traditions. Il y a même gens qui chialent après qui payent trop de taxes. Ouais, ben non, mais là, ça dépend. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Tu sais, il y a des pays où tu es moins taxé, mais ils comptent plus sur le don des gens. Genre la Montérégie, mettons. Non, mais il y a vraiment une culture chez les anglo-saxons, aux États-Unis, par exemple, de mécénat, de fondation. Écoutez-moi pas, hein? C'est parfait. Les autres t'écoutent. Ah, OK, parfait. Mais tu sais, ici, on connaît moins ça, là. Ouais. Mais tu sais, aux États-Unis, il y en a beaucoup, énormément, des fondations, des gens riches qui font, ben nous, on donne, on paye un hôpital, on... Ici, c'est moins dans nos mœurs. On donne à l'État, puis on se croise les doigts qui s'occupent de tout. Et malheureusement. Mais, oui, il y avait des mains levées. On va dans la salle. Ouais, nous aider, là, ici. Sur Twitter. Ouais, très bon. Oui, répondre, vous m'en avez donné l'année passée, merci beaucoup. Ah, c'est bon. Tu vis pire que la personne qui te demande, peu importe ce qu'elle te demande. Ouais. Non, j'ai une forêt chez nous, elle est complètement à terre. Non, je suis mort depuis ce matin. Regarde ma photo. Regarde. Ne pleurez pas pour moi, je suis mort déjà. C'est Madoc Vachon? C'est Barney. Ah oui. Ouais, c'est son film. Mettez-le dans mes veines! OK. Ouais. Mais oui, on pourrait faire des casquettes à l'effigie, genre mon sida est rough cette année. Oh. Mm. Sida 1, moi 0. Ah! Oh! C'est ma préférée, celle-là. Ah, c'est. Oui. Ah oui. Ouais. Sur Twitter, on a s'exilé dans le sud pour le mois de décembre. Hein? On est décembre, j'ai dit. Non, mais oui, un mois quand même, ça. Mind day. Puis tu donnes à des gens pauvres dans le sud. C'est win-win. Win-win. Win-win. Toujours dire no habla francés, hein? Pat Silverwolf. Dire qu'on a déjà une autre cause créée de toutes pièces, le Human Fund, comme George Costanza. Ah, très bon. Oh. Merci, Eric. Utiliser la psychologie inversée et recevoir des dons de ces gens. Ouais. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Ouais. Mm-hmm. T'as pas compris? OK. Tu dis que t'as pas 18 et dès que tu peux, parle de la cause à quelqu'un d'autre et tu l'incites à donner. Oh, oui. Oui. Oui. Caroline. Oui, ou le Ponzi Scheme. Oui, le Ponzi Scheme, ça devrait être bon, ça. Oui. Je comprends pas c'est quoi le Ponzi. Non, moi non plus. Comment il s'appelle? Madoff, entre autres, mais il y en a plusieurs. Mais il y a Ponzi d'abord qui l'a fait. Oui, c'est le premier. C'est le premier. Mais le dernier le dernier populaire, c'était Bernie Madoff, qui... En fait, il dit « Hey, j'ai une bonne plug. donnez-moi de l'argent, je vais l'investir. Puis là, il fait semblant de, que ça fonctionne. Puis là, il redonne au premier. Puis là, ils font, ouais, oui, ça paye beaucoup. Puis là, eux autres, ils embarquent d'autres mondes. Puis finalement, à un moment donné, ils arrêtent de payer du monde. Mais les gens continuent à essayer d'investir chez lui. D'argent. Pauvre Bernie, ça l'a tué en même temps. Hein? Weekend chez Bernie. Mm-hmm. Mais le vaudou l'a ramené dans Weekend chez Bernie 2. Ouais, grâce au vaudou. Oui. Oui. C'était bon la suite. C'était bon la suite. Mais oui. Dire non. Oui. On a un commentaire. Oh! Le carré rouge. Carré rouge. Carrément bon. Dans le rouge. Ça vient de toi. Oh. Oui. Eric. Le truc, j'ai pas d'argent, mais je peux te donner une top. Oh! Oui, j'ai pas d'argent, mais je peux te donner une top. Tu traînes là, des cigarettes slim à menthol, là. Tu sais, vraiment, c'est que personne veut pauvre. Fumer. Là. C'est bon, là. Ouais. Donne une top au tiers-monde, tu sais. Envoyez-leur ça. Ouais. J'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai des macarons. Les l'affaire pas bonne à manger ou l'affaire pas bonne à porter? Les deux. Oh, oui. Mais moi, la charité, là, à base, c'est un concept qui est surévalué. Ah, ouais. Vas-y, on t'écoute. Ça t'a fait faire des campagnes de pub quand même, toi. Pas encore. Non? La fin de semaine de ski, 24 heures, là, ouais, ouais, chose, ça c'est ouais. Vrai. Non, oui, donner aux enfants, oui, c'est vrai. Mais le 24 heures de Tremblant, je suis allé l'année passée et je veux dire, il y a des gens qui en profitent autre que les enfants là-dedans. Hey, tellement, là. Il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a de ça aussi quand on nous sollicite, on fait. Ouais. Tu vois, il y a quand même une machine en arrière de ça. Ouais. C'était pas vrai quand la sollicitation devient de la publicité sociale. Ouais, ouais, ouais. Ou c'est clairement une entreprise qui veut se faire une belle image en donnant un montant minime à une cause juste pour qu'on entende parler d'eux. T'sais. Donc ça, peut-être y aller clairement chose. Faire. Regarde, merci beaucoup de te préoccuper des gens comme ça, mais je vais faire mes recherches et je vais donner à une cause qui me tient à cœur. Il existe des sites comme Charity Watch, par exemple. OK, c'est bon. Qui classent les œuvres de charité. Est-ce qu'il est premier? Je ne sais pas, parce qu'il faut, faut envoyer 50 $ pour le savoir. As-tu besoin de 50 $? Veux-tu passer dans la salle, Antoine? Oui, ça vous dérange-tu? Moi, je pense qu'il faut... Il faut que les organismes de charité commencent. Je pense qu'il y en a qui existent déjà, mais faire le gros bassin là, que tu mets ta scène puis elle tourne en rond oui! pendant ouais. 30 secondes. Ça, c'est là, le fun. Ça, tu sais, t'as envie de donner tout le temps. Faut qu'ils fassent quelque chose de funny avec ta scène ou ouais. ton 2$. Ou, tu sais, le. Ouais, faut que la pièce travaille. Tu fais, regarde, la photo de la petite fille, là, je la mets au bout. Ta scène, elle va se rendre. Mais c'est comme les télétons, tu sais, tous les topos là, complètement larmoyants sur les enfants malades. Là. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois, là. Pas vous? Oui. Ouais. Et tu travailles très fort pour pas appeler. Ben, j'essaie de changer de poste avant d'être trop ému. Ou de pogner. Les télétons, c'est pas fin, là, parce que c'est une très bonne cause. Faut les écouter pendant la nuit. Faut les écouter de minuit à 7h le matin. C'est là qu'Alain Dumas fait des lip-dubs. Ah, mais il y a des numéros musicaux débiles. Il y a vraiment des bonnes affaires, je veux dire. Oui. Ça vaut la peine. Antoine oui, a fait un numéro, d'ailleurs, dans un téléton, je pense, de minuit. Oui, ça a bien été. C'était quoi? Claquette. C'est pas vrai, je crois mais pas. Mais non, ça. J'invente tout ce que je dis depuis le début. Puis tu nous demandes la charité. Attention, parce qu'on va peut-être recourir à ça nous-mêmes. Moi, j'écoute certains podcasts qui proposent aux auditeurs de leur envoyer un peu d'argent pour payer pour la bande passante. Et nous, on n'a pas eu recours à ça encore, malgré qu'on perde nos commanditaires un après l'autre. La solution, boucher ses moyens de communication, tu sais, les écouteurs à ses oreilles, les lunettes, les plugs dans le nez. C'est vrai qu'il nous attire par l'odeur de plus en plus. Hein. Une suce dans la bouche. Ou ses ongles. ou une cigarette. Ouais, son couteau suisse. Le principe allo stop. Oui. Ouais, c'est quoi, bon. Tu fais ça allo stop? Je parlerai pas au monde, pas vrai. Non. Non, mais quand tu marches sur la rue, c'est ça. Et sinon, par la poste, le broyeur, la déchiqueteuse. Mais tu sais, dans la rue, des fois aussi, on croise des gens que tout leur être dit non. Tu sais, sais, je pense à des fois là, des vieilles femmes dans la quarantaine épanouies, tu sais, là, mais qui font là. Non. Tu sais, comme, ils arrivent là, dans le métro, c'est bondé, puis ils font. Ah, oui, ces femmes-là disent terrible, non, femmes-là. Là. C'est qui ça? Ouais. Ah, c'est, mais peut-être. C'est les femmes qui dragonnent souvent, qui font le son. Mais quand tu te fais solliciter sur la rue, d'essayer vite spotter quelqu'un qui a l'air plus riche que toi, faire « Attends, je demande à mon père. » Là, tu le places puis tu t'en vas. Oui. Là, viens ouais. ici. Antoine, t'as pas l'air de t'amuser pour deux scènes. Hey, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je te donne deux scènes. Je suis réellement malade, gravement, mais c'est avec plaisir. Oui, ça dure. Mais sérieusement, vous m'intéressez, vous êtes tous fascinants. Pas vrai, là, j'adore ça. J'aimerais. Je veux pas être ailleurs qu'ici en ce moment. Mais est-ce qu'on pourrait donner un don pour que t'ailles mieux? Non. Non. Je pense que d'avoir une cause, peut-être, comme tu dis, OK, moi, là, je donnerai pas. Quand ils vont me solliciter, je vais dire, regardez, c'est parce que moi, chez moi, une heure par semaine, je cherche une solution au cancer. Fait que je pense que je la fais maintenant. Oui. Ce signe astrologique-là doit disparaître. Non, non, la maladie, la maladie. OK, la maladie. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. À revue scientifique, mais peut-être, tu essayes pour vrai, sincèrement. Plus personne ne doit naître. T'es plus coupable, là, tu fais, je participe au bien-être de l'humanité. Je veux que tout aille mieux pour vrai. Je pense que si on veut, ce qui fait qu'on veut moins donner, parce qu'on se fait solliciter, c'est qu'on voit pas non plus le résultat, ben. Peut-être que des fois, trouver une cause où... où les résultats sont clairs. Ouais, mettons. C'est ça. Mettons, mais déjà, à la base, les organismes qui ont un petit thermomètre avec le niveau d'argent, là, ouais. Tu sais, déjà, tu fais « Ah, hey, on est rendu à 5000! » C'est bon parce que tu comprends que l'objectif final est vraiment de remplir le thermomètre. C'est ça! C'est ça, ça ouais, mais pour les daltoniens, eux autres, ils voient le thermomètre rempli de brun. Ouais. C'est comme si on est fucking dans la marde. Hey, on dirait tellement là, un humoriste Steve du 4-5-0 la revue de l'année. Dans la salle, nous avons tu veux que ton argent aille à la bonne place ou tu vas en avoir en guillemets plus pour l'argent. Fait, attends, Black Friday et les visions mondiales font 2 pour 1. Black Friday, c'est le jour où on donne. Ben oui. Non, puis la couleur noire représente bien la pauvreté aussi, tu sais. Mathieu, les gens vivent dans le noir, tu sais. Ils ont pas l'électricité là-bas, là. Ah, c'est ça. Oui, très bon. Tout à fait. Fucking bon. Mais acheter un écran géant à un enfant malade. Mais tout le monde a une spécialité, là, je veux dire, comédien, mais tout le monde, son travail, dans son travail respectif, moi, je vais jouer un match demain pour s'entraîner. Tu sais? Oui. Ça me coûte rien. Je fais quelque chose. J'ai défilé pour l'hôpital Sainte-Justine dernièrement. Ah, wow. Oui. Défilé de avec mode. Avec Locke Merville, je l'ai enfargé. On a eu beaucoup de plaisir. Ah oui? Non, mais il y a des affaires de même. Chacun dans son domaine. Il y en a qui dessinent. Il y en a qui sont comptables. Il y en a qui... qui travaillent pour des fondations. Oui, c'est ça. Donc, dans votre travail, essayez de trouver une twist pour donner de votre temps un petit peu. Que votre boss paye... Non, hein? C'est ça. Ah! Ouais, mais moi, j'ai pas été payé pour les affaires, j'ai dit, mais. Mm-hmm. Ouais, mais t'es payé, tu t'es fait une place au ciel en tabarnak, là. Oui, en tabarplotte. Mais en tabarnak. Non, mais tu leur dis après. Tu sais, tu fais. Tu me reconnais pas, j'étais dans la parade. Garde. Je suis charitable et fashionable. Exactement. Hey, ça, c'est ma solution préférée. Non, mais par exemple, là, un professeur d'école. Enseigner à des pauvres? Enseigner. Oui. Aller dans un quartier pauvre, puis dire, toi, venez ici, je vais vous apprendre les multiplications. Mm-hmm. Ouais, mais pas à des gens qui commettent, mettons, des attouchements, parce qu'ils vont multiplier les attouchements. Eux autres, faut soustraire! Je regarde Antoine depuis tantôt, je pense qu'il pleure par en dedans. Ça risque de sortir, Antoine. Moins, là. Je pense qu'on va y aller pour la solution préférée de. Ouais. Ah, elle est pas là. Mm-hmm. De Émilie, ben ouais, c'est ça. Quoi, le problème? Je peux en faire une imitation des grandeurs. Non, problème, sans se sentir coupable. Oui. De participer autrement, de façon ciblée, pour pouvoir dans la rue, en confiance, faire « Non, je ne donne pas. » Ouais, c'est bon. Je fais des recherches secrètes. Mm-hmm. Juste un petit macaron avec des causes dessus, là. Ouais. Ça fait juste dire « Regarde, non, je suis déjà, tu sais, j'ai déjà donné probablement. » Tu sais, ils vont peut-être même pas t'achaler. Un macan, non. Mais... Un macanon. T'as chalé. Tu comprends, là. Un macanon. C'est n'importe quoi, Mathieu. Ben, c'est ma solution préférée. Je m'excuse. Ah. Mais moi, c'est le macanon. Ah, il recule. Il s'est reculé du micro. J'ai jamais vu ça. Ah, il est vraiment en tabarplotte. Hey, il est en sacré. Ah. Mais pour les prostituées, Mathieu, est-ce que tu mets un macaoui? Un macaoui. OK, ouais. Donc, hey, si vous avez une solution préférée là-dedans, bravo. Tu peux pas. Mais vous pouvez nous dire. C'est notre 150e, hein? On se souligne. Yes. Wow. 150. Hey, moi, 150e, je veux dire de 150 quoi, fois moins de contenu. Donnez généreusement, de la façon que vous voulez, mais donnez. Ben oui, puis sentez-vous coupable quand vous donnez pas, t'in. C'est ça. Lave-la, okay. Ma solution préférée. Puis Jacob, là. Émilie Jacob, oui. Il y a une solution qui est être moins cheap. Ouais. Ça va être dur pour elle. Incroyable. Non, mais des fois, tu sais, suck it up, puis dis non, désolé. Puis sans cheap. J'ai déjà donné. Ouais. Niagara? Ah ouais, c'est quoi? J'ai vu Berlin et Bucarest. Ben, j'ai vu Bucarest. C'est pas j'ai donné à Bucarest. J'ai déjà. Et voilà, 150, et c'est déjà la ouais, fin. Exact, sur des paroles de Niagara. Écrivez-nous! Hey, ouais. notre dernier podcast de l'année 2012, la semaine prochaine. Ouh. Oh oui, 151. C'est... Oh, on a du monde qui arrive! OK! Ouh. Ouh. All right! Hey, continuez à nous écrire sur les médias sociaux et ou par courriel. Entrez. On a fini, là. Il y a de la bière gratuite que tu dois payer. donc... Wow! Oui, pas nous solliciter, mon petite marde. Oui. Ma canon. Et pour une avant-dernière fois en 2012, vous avez un problème? Nous avons un podcast! Merci, passage! Merci! 150 ou rien! OK, on va prendre 5 minutes.